Never fear, never n'est pas les bonnes paroles. Kung Fu Fighting. Kung Fu Fighting. Christmas. Babylon, that you want to get some more power, but that is the mark about the forfeit that you find. The bubbling up, you want to get off the market, is the four powers to trip the market off, and is the top of life. Marchand de foire, mon copain Rasta, chaque soir joue du darbouka dans l'espoir. Il ne se coiffe pas, il fait des mèches, des looks plus hauts, on dirait Paul Naref. Il ne t'embrasse pas, il te check. Tatouage vert jaune, rouge sur les pecs, mon copain Rasta blanc. C'est mon copain Rasta blanc. connaissez les Rasta blancs? Non, ça va pas, c'est pas Rasta. Ok. Il est où le mec? Master au fait. C'est la chanson du Rasta blanc. Est-ce que vous êtes prêts pour la chanson du Rasta blanc? Je crie. C'est le Rasta blanc. Mon copain Rasta, c'est ma star. Le corsaire relou de marchand de foire. Mon copain Rasta chaque soir joue du darbuka dans les squares. Il ne se coiffe pas, il fait des mèches, des looks plus hauts, on dirait Polnareff. Il ne t'embrasse pas, il te check. Tatouage vert jaune rouge sur les pecs. C'est mon copain Rasta blanc. C'est mon copain Rasta blanc. Vous connaissez tous des Rasta blancs? C'est pas pour les vrais Rasta. On a plein. Il se prend pour Kingston. Il mélange les mi et les mo. Il n'écoute personne. Il se fait des t-shirts comme Harley Davidson. Les gestes lents et les vifs, laisse pas traîner ton spiff. Fleur avec Marie-Jeanne et Peter Covid. Mon copain Rasta blanc. Mon copain Rasta blanc. Copain Rasta blanc. Le corsaire au look de marchand de foire. les soirs. Joue du verre pour qu'il y a dans les squares. Il ne se coiffe pas, fait des mèches. Et l'eau plus haut, on dirait Paul Nareff. Il ne t'embrasse pas, il te check. Tatouage vert jaune rouge sur les pecs. En pantacourt, il a les pieds sales, il chante faux, il danse mal, il se prend pour Saint Paul. Il ne se lave pas, il sent le fauve, tatouage peace and love sur l'épaule. C'est mon copain Rasta Blanc, mon copain Rasta Blanc. Il se prend pour Kingston, pour Kingston Rasta Blanc. Il n'écoute personne, pour Kingston Rasta Blanc. Barbe viking, épaule de serpent, le David Carradine de Port d'Orléans. Chemise hawaïenne en polyamide, un mix entre Suzanne Ball et Tarzan. Il est contre la mort, ben elle tue les gens. Son labrador, c'est berger allemand. Il est contre la nuit, elle effraie les enfants. Il est contre la guerre parce que c'est méchant. C'est mon copain Rasta Blanc. C'est mon copain Rasta Blanc. Vous avez tous un copain Rasta Blanc, j'en suis sûr. Mon copain Rasta Blanc. Mon copain Rasta Blanc. copain Rasta, c'est ma star. Le corps, c'est relou de marchand de foire. Mon copain Rasta, chaque soir, joue du darbouka dans les squares. Il ne se coiffe pas, il fait des mèches, des looks fluo, on dirait Paul Naref. Il ne t'embrasse pas, il te check. Tatouage vert, jaune, rouge sur les pecs. C'est mon copain Rasta blanc. Thank you. We'll be right back. Thank you.